Souvenirs, la formation de Details en 15e position anglophone. Ça vient de leur album Draw a Distance, Draw a Border. Juste avant, c'était Johnny 5 avec Comment ça va, Mark Hamilton. De leur album éponyme, c'est en 15e francophone. C'était deux nouvelles entrées. On est déjà rendu à nos 14e position, francophone et anglophone. Mais avant de faire ça, petit avant-goût de ce qui s'en vient plus tard dans l'émission, pourquoi pas, c'est parce qu'on veut que vous restiez là, hein, évidemment. On va parler entre autres de ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est plus que le top 15 francophone et anglophone. C'est aussi le top électronique, le top loud, le top 3 des disques canadiens, le top 30 des albums. On va parler de ça. On va parler des ventes au Canada, on va parler des pièces les plus téléchargées sur Internet, on va parler du prochain numéro du journal Zone Campus qui sort mardi de la semaine qui s'en vient. Ça va être génial, ça va être le premier numéro de la session que vous avez certainement hâte de lire comme moi. Hein? J'ai vraiment hâte. On en parlera plus tard, mais pour l'instant, voici notre 14e francophone. C'est Olinéa et les hostilités au Palmarès C'est fou au 89.1 FM, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Hot Little Rocket avec Like Killers, la 14e position anglophone. C'est une nouvelle entrée. Juste avant, c'était Au Linéaire avec Les Hostilités, qui est la dernière nouvelle entrée francophone. Ça vient de leur album qui s'appelle L'Ordre des Choses. Tantôt, je vous ai promis que je parlerai de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Hein? Parce que c'est très important de savoir ce qu'il y a ailleurs, parce que c'est pas seulement les top 15 francophones et les top 15 anglophones, c'est fou. Non, c'est aussi le top 10 d'électronique et le top 10 loud. Faisons ça tout de suite. Top 10 électronique, donc nouvelles entrées. En 9e position, on retrouve la compilation Eclectric. J'adore le jeu de mots. En 8e, KMFDM avec Tohu Vabohu. En 6e, c'est Rudderson avec 1023. En 4e, Radium 88 avec Only Science Can Tell Us The Truth. 3e position, remontée de 2 places pour Avagami avec Metagami. En 2e, c'est stable pour Lucine ICL avec Language Barrier. Et en 1ère, c'est une remontée de 3 places pour Albin Janoska avec Le Grand Baeux. Le top 10 loud, nouvelles entrées, un paquet de nouvelles entrées, il y en a 5. Et c'est les positions 10 à 6, les voici dans l'ordre. Hate Sphere avec Serpent Smiles and Killer Eyes. En 9e, c'est Azalea Dying avec An Ocean Between Us. En 8e, The Red Cord avec Pray for Eyes. En 7e, Talamius avec In These Days of Violence. Et en 6e, c'est Aeon avec Rise to Dominate. Le top 3, remonté de 4 positions pour Covidis avec Live in Montreal. En 2e, c'est Stable pour la 10e semaine de présence sur notre top 10 loud. C'est Symphony X avec Paradise Lost. On va d'ailleurs les entendre dans notre vrai palmarès un petit peu plus tard dans l'émission. Et le numéro 1, c'est Tervas Canto de Corpiclani. Stable en première, 3e semaine de présence. C'est un 2 beaux palmarès avec tout plein de beaux noms très fun à prononcer. Plus tard, on fera le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. Mais avant, retournons à notre belle petite affaire là qu'on appelle les palmarès. C'est fou. Voici nos 13e positions. On commence par Les Concassés avec La Mort du Rock qui sera suivi de Girl Nobody avec Balaclava Casino Heist. C'est les palmarès. C'est fou au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Tiens, à l'université, là, il y a des gens, il y a une radio. Ça va. C'est fait pour être ensemble, je pense. Concassé avec La Mort du Rock en 13e francophone. Maintenant, tout de suite, voici la 13e anglophone. C'est Girl Nobody et Balaclava Casino Heist au palmarès. C'est fou dans l'espace. c'est le fun de vous quitter comme ça puis vous retrouver après 5 minutes, tout le temps, tu sais. Je vous quitte, là, je vous retrouve, puis là, je vous quitte, puis je vous retrouve. C'est comme du sucré salé. C'est la nouvelle mode d'un bar tendre, ça. C'est pareil à la radio. On vient d'entendre Girl Nobody avec Balaclava Casino Heist en 13e position anglophone. Juste avant, c'était une descente de 5 places. 5 places. J'essaie de compter. Entre 13 et 8, c'est 5. C'est une petite descente quand même. Pour les concassés avec La Mort du Rock, ça vient de leur album, leur Maxi Zéro, 99. On est rendu à nos 12e position, mais avant, tant qu'à l'oublier, tu sais, si on le fait tantôt, c'est bien de faire tout de suite. Voici la deuxième partie de Ailleurs dans les palmarès, parce que c'est toujours, comme tantôt, pas juste le 15 francophone et le 15 anglophone, c'est aussi le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. Voici les disques canadiens. En troisième, c'est Stable pour Artist of the Year avec Wreck la discothèque. En deuxième, descente d'une place pour National Parks avec Timber Vision. Et en première, c'est une nouvelle entrée, Kerizy & Cole de la formation United Steelworkers of Montreal, qu'on s'en va d'ailleurs entendre dans à peine, je dirais à peine 2 heures. Parce que c'est pas mal proche du sommet. Je sens de même, là. T'sais. Du côté du Top 30 des albums, regardons quelques nouvelles entrées. S'il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Mais je vais les lire quand même, à vous de passer au travers. 30e position, c'est Amos de Transparent avec Everything I've Forgotten to Forget. En 29e, c'est Terry Lee Combs avec Whether We Shall Repel. En 28e, c'est A Fine Frenzy avec One Cell in the Sea. La 27e place est occupée par Animal de Sweatmaster. En 26e, c'est Best Friends in Love de la formation Bang Lime. En 25e, Boots avec un point d'exclamation avec l'album Intercontinental Champion. En 24e, The Blue Tones avec Luxembourg. En 23e, Kenny Miller et Now. En 22e, c'est Emily Haynes de Metric avec What is Free to a Good Home, Amy Haynes de Metric. Très fort, ça, je pense que ça va suivre dans les palmarès dans quelques semaines. Ensuite, d'autres nouvelles entrées. Waouh, ça arrête plus. 13e position de Details avec Draw a Distance, Draw a Border. En 12e, c'est Hot Little Rocket avec How to Lose Everything. En 11e, Girl Nobody avec Balaclava Casino Heist qu'on vient d'entendre. En 10e position, c'est la prochaine pièce qu'on s'en va entendre, si je me rappelle bien. Oui, Okeecherville River avec The Stage Names. Voilà qui fait le tour des nouvelles entrées. 3e position, descente de 2 places pour l'ancien numéro 1, National Parks et Timber Vision. En 2e, remontée de 3 pour United Steelworkers of Montreal avec Kerosene & Cole. Et en première, c'est Interpol avec Our Love to Admire qui remonte de 2 positions. Ça fait 5 semaines que c'est là. Hey, je regarde ça, là, United Steelworkers of Montreal, surprenant, mais ça fait 13 semaines que ce sont mes palmarès. Je n'en reviens pas. Attendez-moi, je m'en vais. Joel Plaskett Emergency est en 19e semaine. Vraiment, le top des albums va très très bien. The Answer, 20 semaines. En tout cas. Voilà, on retourne à notre palmarès tout à fait standard. On est rendu à nos 12e position. C'est Okeecherville River avec Our Life is Not a Movie or Maybe. Mais juste avant, voici Pépé. Et c'est une niaiserie. Au palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM à Trois-Rivières. Aujourd'hui, ça me tente de dire des niaiseries. Tout seul avec mon youku sur la galerie. Je me sens un peu con sur le coup, mais je souris. Parce que je me suis trouvé une mélodie. Qu'est-ce que je pourrais bien dire comme niaiserie, je sais pas. Des fois je dis tout haut ce que le monde pense tout bas. Ça arrive tout seul d'habitude, mais là, ce que je le dis, mais dans le fond tête ça se dit pas. Voyons, Pep, tu fais pas de la pop. T'as pas besoin d'un microscope. Allume pis fume ton télescope. Assume l'écume, c'est pas trop propre. Pas de stress, desserre-toi les fesses. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Pas encore un autre bien-être. BP avec la 12e position anglophone. Francophone, qu'est-ce que je raconte? Francophone, voyons donc. C'est niaiserie. Parlant de ça, voici une pub, on s'en verra après. Vous écoutez les femmes assez fous, 89 FM. On continue les palmarès, c'est fou, avec la 12e position anglophone, c'est OK Kerrville River, voici Our Life is Not a Movie, or maybe, au 89 FM, la Radio Campus. Just a bad movie, where there's no crying, handing the keys to me, in this red line, where the lock that you locked in the suite says there's no prying, when the breath that you breathe in the street screams there's no science. When you look how you look, then to me that I cease lying and fall into silence. This is a life story, so there's no climax, no more new territory. So pull away your max. In the slot that you sliced through the scene, there was no shyness. In the plot that you passed through your teeth, there was no pity, no faded. Film begins on a kid in the big city, and no cut to a costly parade that's for him. Socket you spin from with ease, there is no sticking. From the speakers your fake masterpiece comes serenely dribbling, and when the air around your chair feels a heat, that's the flames licking beneath the clock on the clean mantelpiece. It's got a cold clicking like a crow, and his everything sweet takes 2 weeks. Ambiance de film, je sais pas, d'horreur peut-être. OK Kerrville River avec Our Life is Not a Movie or Maybe, c'est un petit peu le concept de la pièce, 12e position anglophone. Juste avant, c'était Pépé avec Niaiserie qui descend de la 5e position. Son album, c'est 100% bœuf. Seulement 4 semaines de présence, ça a pas duré longtemps dans le haut des palmarès. On se demande ce qui se passe parce que Pépé est tellement productif. Surtout cet album-là, il me semble qu'il y a eu plusieurs pièces de l'album qui sont retrouvées sur nos palmarès. Et pas me semble, c'est vraiment le cas. Je vais même vous en nommer quelques-uns. On a eu jusqu'à maintenant Poney, on a eu Bobette Bob. On a eu, non, comment c'est deux pièces qu'on a eues. Ça, c'est la troisième pièce de l'album. Voilà, 100% bœuf. On est rendu à nos 11e positions. Les choses vont très, très bien. On va voir tantôt notre coureur de la semaine présenté par la chance au coureur. Et cette semaine, on en a deux. Hein? Deux coureurs de la semaine, donc on vous présentera ça un petit peu plus tard. Mais avant, voici la 11e position anglophone, Pride Tiger avec la Lemgo, précédé de Hudon Placard avec les Lanternes Chinoises. Au Palmarès, c'est fou, l'émission de la musique de demain aujourd'hui à la radio qui vous passe la musique de demain aujourd'hui. C'est un peu ça. Le 89.1 FM. J'ai attendu deux semaines pour que tu appelles enfin, pour qu'on ait voir ensemble en bleu les lanternes chinoises au jardin de la gare. J'ai attendu deux autres pour qu'enfin tu te souviennes que tu m'avais oublié encore une fois. Oh mais oui, oh, mais cette fois tant pis, moi je ne t'attends plus ma belle. Et je baisse les bras, et je baisse les yeah. Tiger et Let Him Go en 11e position anglophone descendent de la 3e place, 8e semaine de présence. Ça fait vraiment mal pour leur album The Lucky Ones. Juste avant, c'était du côté francophone, la 11e place descend de la 7e, donc 4 positions de perte, on pourrait dire, pour l'antenne chinoise de la formation Udon Placard de leur album éponyme. On est rendu à nos 10e position, ça va très bien. Tantôt, nos coureurs de la semaine, j'en parlais, c'est The New Pornographers que j'ai choisi avec Challengers et du côté d'Anaël, ma co-animatrice, l'album choisi est Figurines avec When the Deer Were Blue. On fera passer ça juste après nos 10e positions. Pour l'instant, voici The Cat Empire avec The Car Song, précédé de Matt Fuzz, avec une pièce que tout le monde... je pense que tout le monde a une opinion sur cette pièce-là. Notre public en studio va pouvoir décider d'eux-mêmes. C'est Matt Fuzz et son Game Boy. Voici Montréal en canicule au Palmarès C'est Fou 89.1. De notre public en studio, c'est intéressant, mystifiant. C'est spécial, mais c'est bon. Hein? J'ai pas des mots dans la bouche. It's Monday, bloody Monday, and there's two things I forgot. I forgot to do my homework. Cat Empire! Avec The Car Song, 10e position anglophone, remontée de 5 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Juste avant, c'était c'était pas une formation, c'était... Ouais, en fait, je dirais que c'est une formation. Matt Fuzz et son Game Boy avec Montréal en canicule, stable en 10e, 5e semaine de présence. Ça vient de son maxi Matt Fuzz EP. Hein, pourquoi pas. Voilà pour nos 10e position. Maintenant, c'est l'heure de changer un petit peu à peine de style. Voici le coureur de la semaine, présenté par la chance au coureur. Notre coureur de la semaine, cette semaine, en fait, c'est un ex-aequo. On a décidé de chacun choisir un album, Anaël, ma co-animatrice et moi. Moi, j'ai choisi The New Pornographers avec Challengers, mais je vais lui donner le privilège de commencer. Pourquoi pas? Avec l'album de Figurines, la formation Figurines avec When the Deer Were Blue. Et à l'instant même, voici la pièce Hey Girl, Hey Girl. Tu vas voir, ça fait un petit peu No Doubt quasiment. Par moment, là. Tu vas voir, par moment. C'est le même, je suis ça de même. Avec l'album When the Deer Were Blue, la pièce Hey Girl. Et là, ça me tracasse un petit peu parce que j'ai dit quelque chose tantôt que je suis même pas sûr de ce que je disais dans le fond. Et vous savez que j'aime admettre mes erreurs. On va écouter une deuxième pièce pour voir si c'était vraiment ce groupe-là dont je parlais. Voici Childhood Verse, deuxième pièce de l'album de Figurines. C'est le coureur de la semaine, présenté par la chance au coureur. Dans les paroles assez fous au 89.1 FM. All alone, La formation du Danemark danoise Figurines avec When the Deer Were Blue. Dans le bloc Coureur de la semaine présenté par la chanson Coureur, l'album sort le 11 septembre prochain, mardi. Il va être en spectacle le 27 octobre à 20h au Club Lambie de Montréal. Donc c'est un groupe de Copenhagen au Danemark. Les membres sont Christian Helm, Klaus S. Johansson, Christian Volden, Mads Kjærgaard et Jens Ramon. Voilà, allez voir plus d'informations sur eux au, pardon, au figurines.dk ou le myspace.com/figurinesdk. Voilà, c'est la première heure des Palmarès. C'est fou, on va faire un petit résumé de ce qu'on a entendu depuis le début de l'émission. Du côté anglophone, en 15e position, c'est The Details avec Reunion Souvenirs. En 14e, c'est Hot Little Rocket avec Light Killers. En 13e, Girl Nobody avec Balaclava Casino Heist. En 12e, OK Curville River avec Our Life Is Not a Movie or Maybe. Ça, c'est toutes des nouvelles entrées. Ensuite, en 11e, Descente de la 3e pour Let Him Go de Pride Tiger. Et en 10e, c'est The Cat Empire avec The Car Song qui remonte de 5 places. Du côté francophone, nouvelle entrée en 15e, Johnny Five avec Comment ça va, Mark Hamilton. En 14e, autre nouvelle entrée, Olinéa avec Les Hostilités. En 13e, Descente de 5, Les Concassés avec La Mort du Rock. En 12e, Descente de la 5e pour Niaiserie de Pépé. En 11e, c'est l'antenne chinoise, Didon Placard. Et en 10e, c'est Stable, Matt Fuzz et son Game Boy avec Montréal en canicule. Dans la deuxième heure des Palmarès et Fous, on va entendre entre autres la Baroque Machine, The Brick, Coquet Volcan, Jacques Maure, Bad Religion, The Polyphonic Spree, Corpy Clanny, Percy Farm et un paquet d'autres choses aussi. On va parler, pourquoi pas, du journal Zone Campus qui sort le mardi, qui s'en vient, comme ça, sur le campus d'université. C'est votre journal universitaire que vous adorez tous, que vous lisez depuis l'automne 2004. C'est tellement le fun à lire, cette affaire-là. C'est comme, tu sais... On a appris qu'il fallait pas toujours finir ses phrases. Ça fait comme les gens veulent, en veulent plus quand on fait ça. C'est comme les palmarès, c'est fou, ça arrête jamais. 89.fm. En direct des studios de C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bon retour, c'est la deuxième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2007. Je m'appelle toujours Mathieu Plante, avec vous pour encore deux petites heures comme ça de musique tellement bonne. On était rendu à nos 9e positions, on va se rendre jusqu'aux premières d'ici à 20h les vendredis soirs. Hein, pourquoi pas, vendredi soir, 17h à 20h en direct. On est aussi en rappel à partir de la semaine du 3 septembre, on va être en rappel les mercredis à midi. Hein, nouvelle heure, nouveau jour, nouvelle... Toujours la même émission, dans le fond, toujours les mêmes gens. Non, c'est jamais les mêmes gens, dans le fond, quand on y pense. Il y a tellement de changements, hein. Faut aimer le changement pour écouter, c'est fou. Et voilà, c'est pas mal le résumé de la chose. Voici notre 9e position francophone. C'est la Baroque Machine. Et pod tes affaires, mais pod comme dans iPod, t'as pas dessus? C'est un jeu de mots. Wow! Malade. Vous écoutez les Palmarès, c'est fou à la Radio Campus de Trois-Rivières, les 89.fm. La Baroque Machine avec la pièce Pas de tes affaires. Maintenant, voici tout de suite Percy Farm avec The Hour End, une pièce anglophone comme ça, de remontée de deux places. J'essaie de trouver quelque chose à dire, mais dans le fond, c'est pas mal ça. Zone Campus tantôt, hein? Clé d'œil. Si, point virgule, parenthèse. Hein? C'est ça, point d'exclamation. C'est là, c'est les Palmarès, c'est fou, 89.fr. Child to sleep safely in your keep, high up on the steeps, lift my child above the cliff steeps, hold her there in your watch, there are claws and seven clocks, you will find there is misery in the mind, don't contend. Draw us in you with a gentle downward pull. Dip into my skull, you will find there is misery in the mind. Don't contend with the hour hand. Même que le monde cradle rock, cradle rock my child to sleep. Je pense que c'est le nom d'un téléroman, ça. As the world turns. Ouais. C'est comme ça que le monde tourne. On vient d'entendre la position numéro 9 anglophone, remontée de deux places, c'est Percy Farm avec The Hour End de leur album The Ends in the Beginning. Juste avant, c'était la Baroque Machine. Nos amis de la Baroque Machine avec Pas tes affaires qui remonte de 6 positions. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. J'adore la Baroque Machine. J'espère que je vais pouvoir le dire plusieurs fois pendant les 15-20 prochaines semaines que ça va être sur nos palmarès. Non, peut-être pas, mais quand même. Prochain groupe que j'aime aussi, c'est Jacques Maure. On va l'entendre dans quelques minutes. Mais avant, je me permets d'accueillir officiellement Elisabeth Marino, la rédactrice en chef du journal Zone Campus. Bonjour Mathieu. Bonjour, tu vas bien? Je vais bien, et toi? Ça va très bien. Ça fait comme une demi-heure qu'elle est dans le studio avec moi et puis je ne l'ai pas encore présenté. La gêne de la première fois, Elisabeth, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. J'en étais témoin plusieurs fois, je l'ai vécu moi-même et puis c'est vraiment un événement dans la vie de quelqu'un, participer à la radio pour la première fois. On va essayer de t'acclimater tranquillement, tout ça pour dire que tu peux arrêter de parler, on parlera tantôt à place, ok? Non mais tu sais, je veux dire, on y va lentement, c'est comme se tremper l'orteil dans la radio, tu sais. N'en dis pas plus. J'en dirai pas plus, d'accord. On est rendu à nos positions numéro 8. Tantôt, on va parler des disques les plus vendus au Canada. On va aussi parler des pièces les plus téléchargées sur iTunes. Tout ça est le tour complet le tour en 80 secondes, mais ça ne sera pas vraiment dans le temps. Sur le campus, voici Jacques Mare et Brise Glace au Palmarès C'est fou. L'émission de la musique de demain, right now, au 89.1. C'est son noir. Clanny avec Let's Drink, la 8e position anglophone remontée de 4 places. Juste avant, c'était Jacques Mort avec Brise Glace qui, elle, remonte de 6. C'était une nouvelle entrée en 14e position la semaine dernière et leur album est éponyme. Je suis toujours en compagnie d'Elisabeth Marino, rédactrice en chef du journal Zone Campus. Oui! Oui! C'est... Oui! Ouais, c'est Mais ça. Que dire de plus? Ben rien. Voilà. Encore quelques minutes pour parler un petit peu du Zone Campus tantôt, hein, parce que là, on veut quand même, tu sais, on veut pas faire ça un petit peu trop longtemps. Ça fait comme 1h20 qu'on en parle. Il faudrait le faire à un moment donné. Prochaine intervention, c'est juré, d'accord? Merci. Oui. Et même, je vais te demander peut-être de présenter une pièce ou deux tantôt, juste pour la fin. Faut t'habituer graduellement, Elisabeth. Oui, oui. C'est ça. I guess. Un peu. Voici la 7e position anglophone, c'est Bad Religion, précédé de OK Valka. Voici Imaginaire Incontournable au Palmarès, c'est fou. À la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est quoi cette radio-là, non? C'est fou, 89, dis-le! Oh, c'est à moi que tu t'adresses, oui! Non, je demandais la question au public à la maison, j'attendais une réponse. Yeah. Bad Religion avec Heroes and Martyrs, la 7e position anglophone, remontée d'une place. Et juste avant, c'était OK Volca avec Imaginaire incontournable, remontée de la 11e à la 7e. Maintenant, un petit moment de plaisir et de publicité pour parler un petit peu du journal Zone Campus avec la rédactrice en chef, Elisabeth Marino. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Très sérieux ici? Oui, assez. À ce moment de l'émission, parlons un petit peu de ce qui s'en vient dans le journal qui sort en kiosque, qui est un petit peu partout à l'université et même à des points externes, qu'on pourrait les appeler, un petit peu partout à Trois-Rivières. Sur la couverture. Sur la couverture, on va faire un peu la gaffe, mais on va aborder un sujet qui touche beaucoup d'étudiants, soit le dégel des droits de scolarité, mais des frais de scolarité aussi, puisqu'il y a une hausse des frais afférents à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui fait la page couverture. Wow! Elle est jolie, cette couverture. C'est dommage, hein, mais nous, on peut l'avoir en studio, mm-hmm. mais il va falloir que les gens patientent jusqu'à mardi prochain pour pouvoir l'admirer. Comment donc, allez-vous faire? Moi, je ne sais pas pour eux autres. Je ne sais pas non plus, mais enfin, il va falloir qu'on se tourne les pouces. Dans la section actualité, on retrouve entre autres, pour commencer, la hausse des frais de scolarité. C'est l'article principal écrit par le chef de pupitre extraordinaire aux actualités. Hein? Oui, M. François Fecteau. Exactement. Gentil, joli jeune homme. Hein? Oui. Parlant de gentil, joli jeune homme, deux photos extraordinaires en page 2 aussi. À voir, absolument. Hein? On n'en dira pas plus. C'est ça. Arrêtons tout de suite. Oui. Page 3, tiens. Page 3, on aborde aussi, on sait qu'à la fin de la session dernière, il y a eu le déménagement des associations étudiantes parce qu'on détruisait l'ancienne aile des étudiants dans le but de construire le nouveau pavillon interdisciplinaire pour la santé. Mm-hmm. Donc, même Zone Campus a perdu son bureau à cause de ça. Ben oui, on était relocalisé d'ailleurs dans un fabuleux bunker. Yes. Voilà. On aime ça. Au 0083 de Pierre Boucher. Hey, venez nous voir. Oui, venez nous voir. Éventuellement, il va y avoir des gens. C'est ça, les semaines de montage, là. C'est la semaine, la semaine du 10. Passez nous voir. Intense, oui, voilà. Pas trop, ben. On va être occupé un peu. On va quand même busy. C'est ça. Okay. Donc voilà, ça c'est pour la page 3. Ensuite, page 4. On le fait vraiment. Ah, page par page. OK, d'accord. Oui, mais rapidement quand même. Oh, regarde, Mathieu. Est-ce que tu vois ce que je vois? Oui, je vois ce que tu vois. Succulente caricature. Mmh. T'as envie de la manger, de la faire chauffer un petit peu avant parce que c'est un petit peu de ça que ça parle. Hey, c'est-tu plate? Les gens peuvent pas le voir à la maison, non? Zut! Aussi, on s'est un vox pop. On a sondé quelques personnes de la communauté universitaire à propos de justement des faits d'actualité en ce qui concerne la hausse. Puis, oui, 6 personnes ont répondu. Oui. Plus que ça, évidemment, mais 6 personnes sont dans le journal. Si vous voulez vous voir la face là-bas. Ben oui, exhibitionniste. Ah, OK. Ah. Donc, ensuite aussi, une chronique de notre nouveau chroniqueur assistant, rédacteur en chef. Il porte plusieurs chapeaux. Il porte plusieurs chapeaux, mais il les porte bien. Monsieur Guillaume Chalette-Janson. Ça lui fait très bien. Oui, ça lui fait très bien. Oui. Ça parle. Un peu à la Foggy, hein. Ça parle de quoi, ouais. ça? Ça parle aussi, c'est des petites opinions à propos de la hausse des droits de scolarité. Donc, sa manière, ouais, ça fait partie du frame. Un peu comme l'éditorial. Ah! Fait par quelqu'un que j'aime bien. Mais tiens donc, c'est ma face. Ah. Ben oui! OK, ici, on va y aller assez brièvement, mais sans entrer dans les détails, disons qu'on s'interroge sur la hausse dans la mesure où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de vision à long terme, et donc c'est de question en question. Mm-hmm. Mais... il y a aussi un article sur l'ACFAS qui s'est déroulé cet été, ouais, et sur une nouvelle chaire de recherche en gynéco-oncologie moléculaire. Un très bon gain pour l'Université du Québec à Trois-Rivières dans la mesure où est-ce que les chaires de recherche du Canada, ça pousse pas comme des champignons. Puis je veux dire, c'est qu'on a des spécialistes ici aussi qui assurent pour pouvoir obtenir ce genre de chaire. Je sais pas si au Monopoly, non pas Monopoly, c'est quoi le jeu? Blague ratée. J'ai absolument aucune idée de qu'est-ce que tu lettres, veux. Scrabble. Scrabble. Oui, comme un bar. Ben, ça oui, aurait été drôle si je l'avais dit, mais au Scrabble, ça doit valoir beaucoup de points. Le mot gynéco-oncologie. Oui, on essaiera un vendredi soir, Mathieu. C'est ça. Prochaine page, la chronique de Marc Périard. Oui, directeur général de C'est fou, au fond. Ça s'appelle Ça a l'air. Ça a l'air que c'est un petit pas de pain à propos de la station, à propos. Ah, c'est ça. C'est pas sur Beyoncé. C'est pas sur Hilary Duff non plus. Non, c'est des choses, c'est du concret, c'est du réel. Et voilà. Oui, voilà. Aussi, on parle un petit peu de l'École internationale de français. Oui, parce que, mon Dieu, le campus de l'UQTR a vraiment grouillé d'action cet été, et ce n'était pas nécessairement en raison des étudiants réguliers, mais bien à cause des étudiants étrangers qui sont venus parfaire carrément découvrir la culture francophone ici à Trois-Rivières. La page 8, c'est le rôle de deux institutions sur le campus. On parle encore de la hausse des frais. Oui, ça continue le dossier. En page 9, on parle... En fait, c'est la chronique de François Fecteau qui s'appelle « Dans la mire ». Oui. Du Fectoscope. Mais oui. Et c'est pas Jocelyne Cazin. Ce n'est pas Jocelyne Cazin, c'est François Fecteau, voilà. Et lui s'interroge s'interroge, mais aussi amène justement ce fait que on a, nos dirigeants ont un petit peu à peu, au fil des années, changé la perception qu'on pouvait avoir à propos de l'accessibilité aux études. Oui, d'accord. Changeant le discours, voilà. Ensuite, il y a un plus beau reportage de l'AGE UQTR. Oui, hein, sur le dégel. Absolument, oui. On aime ça. Un petit article sur... un article parce qu'il est quand même assez long. sur le bilan des activités estivales lors des rénovations sur le campus. Quelque chose qui intéresse les gens, je crois, parce que ça affecte pas mal tout le monde. Oui, ça affectait pas mal tout le monde dans pas mal... beaucoup de domaines, en fait, c'est ça. Et ensuite, on parlera tantôt d'art et spectacle avec la page 14 qui commence à ce sujet-là. Mais avant... Oui. Hein, continuons, parce que c'est beaucoup de blabla quand même. Quand même. Continuons avec notre position numéro 6 francophone. Elle remonte de 6 places. Voici tout de suite, à l'instant même, The Brick et La Pilule. On parlera assez fou au 89.1 FM. Une pilule pour papa qui a mal au dos, et une autre pour maman et ses petits bobos. J'oublie ma petite sœur qui a mal au dos. Un problème, une pilule, le bonheur se répand. Plus besoin de faire attention. Chaque problème, chaque pilule, chaque situation. Dans un monde de réussite, se geler la face, ça va bien plus vite. Prends-moi mon amour, j'ai envie de toi. Allez hop, la pilule, bon pour plusieurs fois. Grâce à toi, ma capsule, c'est toujours le temps. Un problème, une pilule, le bonheur se répand. Plus besoin de faire attention. Chaque problème, chaque pilule, chaque situation. Dans un monde de réussite, se geler la face, ça va bien plus vite. Toujours dernier, je suis un peu turbulent, surtout pas concentré. Ritalin, on m'a dit que ça calme les tanins. Un problème, une pilule, le bonheur se répand. Plus besoin de faire attention. Chaque problème, chaque pilule, chaque situation. Dans un monde de réussite, se geler la face, ça va bien plus vite. C'est bizarre à l'école, les filles me regardent pas. Je suis trop maigre et bien sûr les boutons ça aide pas. Les stéroïdes, il paraît que ça aide à se développer. 25 livres en 3 mois, ça pourrait bien m'aider. Plus besoin de faire attention. Chaque problème, chaque pilule, chaque situation. Dans un monde de réussite, se geler la face, ça va bien plus vite. Plus besoin de faire attention. Chaque problème, chaque pilule, chaque situation. Dans un monde de réussite, se geler la face, ça va bien plus vite. Au retour de Polyphonic Spree et le reste de notre tour du Zone Campus au Palmarès C'est Fou 89.1 FM. Tout de suite, voici The Polyphonic Spree et Running Away, la sixième position anglophone. C'est les Palmarès C'est Fou, votre émission du vendredi soir / mercredi, midi, nouveau jour, nouvelle heure, rediffusion. C'est fou, 89.1, Radio Campus, Trois-Rivières. Aujourd'hui, Trois-Rivières, demain, grand-mère. We'll be right back. chante, Elisabeth, chante! The Polyphonics Spree avec Running Away, la sixième position anglophone remontée d'une place. Et juste avant, c'était The Brick avec La Pilule qui remonte de 6 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Maintenant qu'on a passé nos sixième positions, on peut retourner dans le fond, le but de l'émission aujourd'hui, c'est de parler un petit peu du journal Zone Campus qui sort mardi un petit peu partout à l'université. Et encore une fois, Elisabeth Marino, la rédactrice en chef du journal, est avec moi pour en parler. Musique délicieuse. Oui, musique délicieuse. Oui. On aime ce petit bout publicitaire de l'émission. Oui. On était rendu tantôt, on a fait les actualités, hein? Oui. La couverture et tout, on est rendu aux arts et spectacles. D'accord. Donc, en arts et spectacles, bon, premier article qui ouvre la section écrit par notre chef de pupitre aux arts et spectacles, Cindy Bédard. Donc, elle revient sur l'événement, là, sur... Le festival urbain, voilà, c'est ça. Donc, sur l'happening, dans le fond, qui s'est déroulé dernièrement. Puis, tu vois, c'est une fille éclectique quand même. C'est une cowgirl. Qui couvre le festival urbain. C'est très, très bon. Ensuite, si on saute un petit peu comme ça, parce que le Zone Campus, vous savez, c'est un journal très, très intéressant, mais il faut quand même qu'il se paye un peu. Page 18. Page 18, Dissidence. Dissidence, donc, c'est une collaboratrice du journal, Anne-Marie Lavoie, voilà, qui a écrit un article sur Dissidence, qui est un groupe de musique qui revendique, dans le fond, les droits, une partie des droits des femmes, là, pour que les femmes soient traitées justement, puis ça, puis ouais, c'est ça. Oh, c'est bien ça. Donc, deux petits brefs sur aussi des expositions qu'il y a en ce moment ou qui se sont passées récemment. Si ah je oui. Crois. Je crois et, que c'est et je peux ajouter, Mathieu, que graphiquement, c'est un délice. C'est oui. Ça, c'est très, très gentil. page 20 maintenant. Page 20, Johnny 5, on les a entendus tantôt aux autres. Étrange, hein, mon Dieu, je commence à penser qu'on a des filiations, ton émission et le journal, Zone Campus. Ça ressemble à ça, ça ressemble à ça un petit peu. Donc, c'est ça, Johnny 5, Johnny 5. Je sais même pas. Ouais, Johnny 5 qui va faire partie du spectacle de la rentrée de l'UQTR. Le 13 septembre. Oui, le 13 septembre. Donc, ça va être leur première trifluvienne. Donc, le 13 septembre, ils sont à l'UQTR. Et puis, bon, on en a profité aussi pour parler de la sortie de leur nouvel album qui va être le 19, je crois. Ah, d'accord. Ben oui, c'est ça. Donc, on l'a en avant-première assez fou, c'est bien ça. Ben peut-être, oui, à moins qu'on n'ait pas les mêmes informations, mais enfin, voilà. Page 21, voilà. On parle de slam poésie au Zénob. Oui, oui, un article écrit par Sébastien Dulude, qui est correcteur, mais aussi un très bon collaborateur pour le Zone Campus. Absolument. Je vois le poster derrière toi, d'ailleurs. Semaine Slam au Zénob, 21h, 5$ pour les deux soirs, les mercredis 5 et samedi 8 septembre. Si ça vous intéresse, c'est au Zénob. Hein? Que tu es de circonstance. Juste à côté, il y a le calendrier des spectacles à venir, ce qui fait très, très bonne symbiose avec la slam poésie au Zénob. Un paquet de bons spectacles qui s'en viennent à travers le mois de septembre, un peu partout à Trois-Rivières et au Québec. Hein? Pourquoi pas. Page 22. Les nouveautés musicales, mais Mathieu, je vais te demander, je n'arrive point à lire. Je vais t'aider. Oui, voilà. On retrouve le nouvel album de Yellow Card qui s'appelle Paper Walls. Il y a aussi Tim Armstrong. Il y a Olinéa qu'on a d'ailleurs en nouvelle entrée en position numéro 14 dans nos palmarès cette semaine avec Les Hostilités. Il se retrouve aussi dans les nouveautés musicales. Il y a aussi Silverstein et finalement Tegan and Sarah avec leur album The Con. Hein? Maintenant, on saute à la page 23. Tiens. Oui. Close Down. Close Down, c'est ça. C'est un band de Mauriciens, finalement, qui est particulier dans la mesure où est-ce qu'il va faire la première partie des Smashing Pumpkins à Toronto, je crois, dans le cadre du Canada Virgin Festival le 9 septembre. Voilà, merci, Mathieu. Ouais, ça va être bon, ça. Il y a aussi sur la même page, la page 23, le palmarès de C'est Fou pour la semaine du 24 août. Donc, si vous voulez vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe à C'est Fou, autre que écouter C'est Fou, allez voir le site web de C'est Fou, écouter les palmarès C'est Fou, télécharger les MP3 de C'est Fou, vous pouvez aussi le voir dans son campus. C'est secondaire, mais c'est là quand même. C'est pas vrai. Je t'agace un peu. Ouais, faut pas blaster, là. Non, c'est ça. Non, c'est vrai. Dans le fond, je pourrais pas blaster parce que c'est un petit peu ma job. page 20, c'est équivalent et égal. Oui. Page 24, Eve Cournoyer. Oui, Eve Cournoyer, donc, que Cindy Bédard a rencontré cette semaine, justement, pour... c'est une parolière qui vient de Montréal, si je ne m'abuse. Et donc, c'est ça, elle aborde plusieurs thèmes. Elle est au Grand Prix, en fait, c'est ça. Puis Cindy a assisté à son spectacle, elle l'a rencontré ensuite. Puis elle chante de toutes chansons, finalement. Puis elle aborde toutes sortes de thèmes intéressants. Oh, c'est beau. Ben oui. Hey, Elisabeth, je demande ça comme ça. On a beaucoup de temps libre. Est-ce que ça tente de parler de sport plus tard avec moi? On peut, oui. On va faire ça. Ça va être plus léger. Parfait. Un petit peu. On prend ça cool. On aime ça, c'est la fin de l'été. Et les gens à la maison et nous ici en studio, on écoute les palmarès. C'est fou au 89.1 FM. Voici tout de suite une pièce de plasticine. C'est la règle.

De la formation Symphony X, c'est en cinquième position anglophone, descend de 3 places. Et juste avant, c'était Plasticine avec La Règle du jeu qui descend elle aussi de 3 places. Ça vient de leur album, en fait, ça vient de leur EP 4 titres. N'est-ce pas, Elisabeth Marino, rédactrice en chef du journal Zone Campus de l'UQTR? Oui. Naturel comme présentation. C'est très naturel, on j'adore. On s'appelle comme ça quand on travaille ensemble. Toujours. C'est vraiment, c'est, hey, Elisabeth Marino, rédactrice du journal. On était rendu au sport et les sports étant un petit peu moins ta section, j'étais aidé un petit peu. Hein? Oui! Ça vaut la peine de le dire. Oui. Page 25, on a fait déjà l'actualité les arts et spectacles tantôt du Zone Campus qui sort le mardi. Mardi, en fait, le 4 septembre. Voilà. Septembre, d'accord. On parle en page 25 en sport d'une équipe de moins pour les Patriotes. L'équipe de volleyball féminin a été retirée et le recteur revient sur ses promesses. Le recteur de l'UQTR, Justin Bourque, entrevue avec lui. Non, c'est ça? Est-ce qu'il y a une entrevue avec lui? Oui, ou en fait, l'intrépide chef de pupitre André Martin aux actuels, pas aux actualités, mais au sport, justement, est allé demander quelques commentaires, dans le fond, à M. Bourque à ce propos-là. Donc, il a investigué dans le cadre de deux articles. Oui, le deuxième est en page 26. Voilà. Les anciens entraîneurs ne l'ont pas vu venir, dit l'article toujours de André Martin sur le retrait de l'équipe de volleyball féminin. Ensuite, en page 27, la chronique Histoire de Patriotes parle, en fait, s'appelle « Né pour un petit pain ». Hein? Ça parle entre autres de d'anciens dirigeants de l'UQTR qui avaient fait le statut de réseau un pilier en entraînant des équipes sportives. Dans le fond, ça veut rien dire. L'opinion du chroniqueur, du chef de pupitre sur cette histoire de retrait de l'équipe de volleyball féminin. Oui. Ouais. T'en connais plus que moi, en fin de compte, hein? Sur les articles, en fin de compte. Il a quand même fallu que je lise ces articles, Mathieu. C'est ton rôle. Oui, c'est mon rôle. Page 28, les Patriotes s'exercent en France. C'est une expérience de soccer mémorable pour les Patriotes soccer. Et on en parle donc en page 28. Autre chose à dire là-dessus, toi? Il y a de nombreuses photos. Ah, il y a de nombreuses photos. Oui, tout même comme, chose pour la page 29. Voilà. Où on parle des Patriotes hockey qui reçoivent leur bague de la Coupe Queen. Hein? Oui, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Tu vois? Et beaucoup de choses encore, c'est ça. Et la dernière page, la page 30, on parle des Patriots Golf qui sont au 13e championnat canadien et poursuivent leur progression. Tout ça est une belle petite brève sur Jennifer Carroll dont on parle très souvent dans notre campus. C'est un peu, on pourrait dire que c'est notre mascotte. Hein, c'est... Oui, ben avec raison. Je veux dire, c'est des marques, donc pourquoi pas, tu sais. C'est ça. Et voilà. Donc, ça fait le tour un petit peu de notre journal Zone Campus manié avec des mains de... Des mains. Maître. Des mains. Oui, et avec beaucoup d'amour. Il était... Oui. C'est ça, oui. Beaucoup d'amour et de sueur. Et de sueur et une équipe too much autour de tout ça. Oui. Absolument, une équipe too much. L'équipe Vous verrez too le much. Lien dans le journal en page 2. Une équipe too much. Ah oui, soyez attentifs aux détails. Parfois, ça change. Exactement, soyez très attentifs aux petits détails dans le journal. C'est un petit peu nos petits brins de folie. De petites folies comme ça dans le journal. Quand sort le journal Zone Campus, Elisabeth? OK, pour la énième fois, Mathieu. Le journal... Je sais, mais c'est toujours intéressant. Donc, le journal Zone Campus sera disponible pour vous, avides lecteurs, le 4 septembre. Oh, 4 septembre! 4 septembre, mardi prochain. Absolument. Ceux qui nous écoutent le mercredi en rediffusion, ben, c'est disponible maintenant. Allez-y, là, on vous attend. Nous autres, on arrête tout. Puis on attend que vous ayez cherché. OK. Ça, c'était vraiment too much. Un petit peu too much, à peine. Voilà qui fait le tour donc pour le journal Zone Campus. Soyez au courant des nouvelles qui se passent sur le campus de l'UQTR toutes les deux semaines. Maintenant, c'est l'heure du courant de la semaine. Deuxième partie, présentée par la Source au courant. Notre deuxième courant de la semaine, on l'expliquait tout à l'heure, c'est qu'on avait fait un ex-écho hein, ce matin à la Source au courant, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Je coanime cette émission avec une certaine Annaëlle Huyez. Et elle avait choisi tantôt la formation Figurines avec When the Deer Were Blue. Alors que de mon côté, pour faire différent, j'ai choisi l'album de The New Pornographers. Et voici à l'instant même leur pièce My Rights vs. Yours dans le bloc Coureur la semaine présenté par La Chance au Coureur dans les Palmarès et Fou 89.fm. Et Elisabeth, est-ce que tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Tu veux-tu un petit peu de vin? J'apprécierais bien une coupe, oui. Une coupe de coupe? Une coupe de? Une coupe de coupe. De coupe? Ben oui, une coupe de coupe. Toujours. Like a school cheer, bump like notes inside the chords on every wall, inflections carved deep as lakes and dark as stars. Remember, we were the volunteers. Ooh, the chords knew this and nothing more. Ooh, now it's my rights versus yours. Chances with the easy call, the call I've searched, the medicine, it still won't work, but there's dangerous levels of it. Wheels, the chances held gave means to save me from myself. Spectacles painted with my shaking hand. Fingers in paints we brought, thinking we'd need them when we're not. Flying the flags of new empires and rights, a new empire and rights. The truth's in a new empire in rights. The truth in one free afternoon. A new empire in rights. The truth in one free afternoon. A new empire in rights. The truth in one free afternoon. Under your wheels it fits and starts. The time to dabble in the arts. To tease the packs of dots in charge. But kid, it's all wasted on me. Under your wheels, the hope of spring. Mirage of loss, a few more things. Notre co-coureur de la semaine, The New Pornographers, avec l'album Challengers et la pièce My Rights vs. Yours. Donc, deuxième coureur de la semaine, parce qu'on en a choisi deux cette semaine. Si vous voulez plus d'informations, non seulement écoutez La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, c'est en direct les vendredis matins de 10h à 13h et en rediffusion pour cette semaine seulement. Non, c'est ça, ça continue ça. Samedi à 14h, je crois que l'heure change pour la programmation d'automne, mais bon, c'est pas grave. On est aussi les mardis après-midi. Laissez faire et allez voir lunechance.com et lecifre.ca pour toutes les informations parce que moi-même, je suis mêlé à mort. C'est fun de le dire, mais... Au moins, t'es de peine, mais t'es tort. C'est correct. Tort, oui, voilà. J'ai la chance de le faire très souvent, d'ailleurs. On fait un petit résumé de ce qu'on a entendu dans la deuxième heure des Palmarès. C'est fou, je vais commencer du côté anglophone. On a entendu Corpy Clowney avec Let's Drink en 8e qui a monté de 4 places. 7e, c'est Heroes and Marchers de Bad Religion. En 6e, c'est The Polyphonic Spree avec Running Away. Et en 5e, c'est Symphony X avec Eve of Seduction. Du côté francophone, la 9e place, c'était La Baroque Machine avec Pod Tes Affaires. En 8e, c'est Brise Glace de Jacques Mort. En 7e, Imaginaire Incontournable de Hockey Volca. En 6e, The Brick avec La Pilule. Et en 5e, Descente de 3 places pour Plasticine avec La Règle du Jeu. Dans la troisième heure des Palmarès C'est fou, vous allez entendre entre autres les Agneaux Pakistan, Tricot Machine, Mickey Tout Seul, les Prostiputes, United Steel Workers of Montreal, Interpol, Artist of the Year et National Parks. Tout ça et Elisabeth. Oui, Mathieu. Je vais arrêter de t'appeler Elisabeth Marino, rédactrice en chef du journal Zone Campus de l'UQTR. Oui, c'est un petit peu formel. C'est ça. Je vais t'appeler Elisabeth Zone Campus. Ça te va? Oui, ça me va, merci. Ou juste Elisabeth, quand on parlera pas du Zone Campus, ça va être juste Elisabeth. Pourquoi pas, hein? Tu restes avec nous encore un peu. Oui, j'ai quand même une identité, oui. T'as une identité, t'es une personne. Oui. Hein, moi aussi, ça tombe bien, hein. Vous à la maison, êtes-vous des gens ou êtes-vous des robots? Direct des studios de C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières. C'est les Palmarès, c'est fou! Bon retour, c'est la troisième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2007. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Et toi? Elisabeth Marino. Hey! Je te reconnais de tantôt. Ben oui. Troisième heure des Palmarès, on va entendre les positions 4 à 1. On se rend jusqu'au sommet. C'est comme on dit, le sommet de la montagne. Hein? Il reste pas grand temps. Hein? On est presque rendu. Petit sandwich avec Bonne Finale. Un dernier petit coup de cœur. Dernier petit coup de cœur. Ouais. C'est ça, exactement. Il faut travailler fort pour se rendre jusqu'à notre but. Qui est d'entendre les numéros 1. La semaine dernière, en passant, les numéros 1, c'était Tricot Machine avec l'ours du côté francophone. Et du côté anglophone, c'était National Parks avec Border Patrol. Est-ce que ces pièces sont toujours en première position, me demandes-tu? Ben oui, je te le demande, je veux savoir. Bon, ben ce sera tantôt. D'ailleurs, non. aussi, on va parler des pièces les plus téléchargées sur iTunes et les CD les plus vendus au Canada. Tout ça plus tard, mais pour l'instant, voici Mick et tout seul avec, je te jure, le numéro 4 francophone, Mick de Mickey 3D, tu le connais? Il est fin. Je sais pas, je le connais pas. Il chante bien, en tout cas. Oui, c'est ça, il chante bien. Oui. On va lui donner ça. C'est sûr, pour effacer les fissures et que la peau devienne dure, faut pas frotter les blessures, c'est sûr. Si tu veux toucher l'azur, faut pas cracher sur les murs et pas casser les voitures, mais c'est dur. Des fois je me dis que j'ai rêvé, mais quand je me suis réveillé, le cauchemar avait gagné, c'est dur. Parce que c'est comme ça, je te jure. Sur la tête de ma planète, quand s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, oui, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, oui, je te jure qu'on se reverra là, c'est sûr. C'est sûr, il y aura des jours en juillet où le soleil va briller, mais mon bateau va couler, c'est sûr. Qu'il faudra bien s'accrocher, bouger la tête et les pieds pour réapprendre à nager, mais c'est dur. Des fois je me dis que j'ai rêvé, mais quand je me suis réveillé, le cauchemar avait gagné, c'est dur. Oui mais c'est comme ça, je te jure. Sur la tête de ma planète, quand s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, je te jure qu'on se reverra là, c'est sûr. Sur la tête de ma planète, quand s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, je te jure qu'on se reverra là, papa. We'll be right back. Sorry about that. Artist of the Year avec Yeah en quatrième position anglophone. Ça, c'est pour aller avec mes favoris, ça c'est Yeah, genre Elvis. Ok. Quatrième position remontée d'une place juste avant, c'était la formation Mickey tout seul avec Mick de Mickey 3D. Ça s'appelle, je te jure, c'est une remontée de deux places. Ça s'en vient tranquillement vers le numéro 1. Je dis qu'à l'intérieur du mois de septembre, il devrait avoir mon numéro 1. Ah, je vais mettre un bon 10 là-dessus, moi. T'as aimé ça? Ah oui, j'ai aimé ça beaucoup. Est-ce que t'as écouté le reste de l'album? Pas encore. Je pense pas que tu encore, vas le faire. Je vais le faire. C'est dans mes projets à court terme. Là. C'est à se procurer, comme on dit. Se procurer. Et voilà. Vous voyez pas les guillemets. Très efficace. Oui, très efficace. On aime le mime assez fou. J'aime passer des vidéos assez fou. J'aime passer montrer des images, des photos. Des gags visuels aussi, beaucoup. Gags visuels. Beaucoup. Moi, j'aime, c'est comme la comédie, genre, tu t'en dans un divan, tu sais, genre de comédie-là. Ah, ben ça marche oui. Très bien dans mes émissions. C'est vraiment fort. Wouhou! Prochaine position, c'est les quatrièmes, mais avant, tantôt, je le promets depuis des années, je crois. Je pense qu'on pourrait dire que ça fait depuis 1998 que je promets qu'on va regarder un petit peu ce qui s'est le plus vendu au Canada et ce qui s'est téléchargé le plus sur iTunes. Donc, je me dis, pourquoi ne pas prendre un petit peu de temps comme ça, tu sais, en ce vendredi soir / mercredi après-midi, hein? Ouais, on a le temps, ouais, voilà. On a du temps en masse. Donc, regardons les CD les plus vendus cette semaine au Kennedy. Au Kennedy. Nouvelle entrée en 23e, Talib Kweli avec Eardrum. En 20e, The New Pornographers, drôle de hasard, mais dites donc, c'était mon coureur de la semaine aussi. J'ai Mathieu, le visionnaire. The New Pornographers avec Challengers est en 20e position et défie les autres pour le numéro 1. Challengers. Challenge, défi. Oui. Okay. Ensuite, en 19e position, Azalea Dying avec An Ocean Between Us. C'est aussi sur notre palmarès, nous, dans le palmarès des albums. En 16e position, MIA avec Kala. Ensuite, en 5e, on retrouve la compilation Now 12. Hein, pourquoi pas? 4e position est occupée par Rihanna avec Good Girl Gone Bad, l'ancienne 3e position. Ça fait 12 semaines que c'est là. En 3e, descente de la. En fait, c'est une remontée de la 5e pour Timbaland avec Timbaland Presents Shock Value. Ça fait 21 semaines. Incroyable. La 2e, c'est une nouvelle entrée pour un groupe quand même bien apprécié, assez fou, Bedouin Sound Clash avec Sweet Gospels. Et pour la 2e semaine de présence, et en fait, sa 2e semaine aussi au numéro 1, c'était le numéro 1 la semaine dernière aussi, c'est la trame sonore du film High School Musical 2. Tout ça pour la semaine du 30 août 2007 au Canada, évidemment. Hein? Ensuite, regardons un petit peu ce qui s'est le plus téléchargé sur nos amis de Apple iTunes. Tu connais ça, c'est les gens achètent, payent 1$ par mais MP3. Oui. C'est comme... 5e position, c'est Tom Day avec... je voulais, tu sais, hey, j'ai entendu un jugement. Ou... Non, mais tu sais, je sais pas. Une pièce, il me semble que c'est cher. Ouais. Cinquième position, Sean Kingston avec Beautiful Girls. En quatrième, c'est Sean Kingston avec Me Love. En troisième, Nickelback avec Rockstar. En deuxième, Carrie Underwood avec So Small. Et en première, c'est Soulja Boy, Tell Him avec la pièce Crank That. Tout ça sur iTunes d'Apple. Oui. Tous des succès, hein? Toutes des affaires qu'on jouait sans fin, assez fou. Là, c'est, sans fin. Ou encore jamais. Possiblement. Probablement. Oui. La différence entre possible et probable. C'est toujours quelque chose que j'aime bien dire, la différence entre possible et probable. Mmh. On s'en parlera dans peut-être à la suite d'un prochain bloc musical. On va réfléchir à ça, on va cogiter, ouais. Puis on ça, va... Ça, puis parler de Rousse. Ben écoute... T'as pas envie de parler de toi? Non, pas tant, là. J'ai sauvé la peau d'un petit ours. Puis son cœur, je l'ai pas volé. J'ai tué le chasseur avant qu'il shoote. L'ours m'a consolé. Tu es doux et juste un peu farouche. Mais je sais que je t'apprivoiserai. Tu as mordu dans mon cœur à pleine bouche et t'y es installé. Les années se suivent et nous rassemblent. Il y a toujours plus à partager. Dans la tanière qui abrite nos confidences, nous on a hiberné. Puis un jour, c'est l'été, c'est dimanche, et les framboises poussent par milliers.

faire un petit peu de feu. Oh. Mange des guimauves. Tellement. Tourner autour du feu, courir autour du feu. Ouais, c'est pas se garrocher dedans, par exemple. Non, pas se garrocher dedans. Non, faut pas faire ça, c'est pas vrai. Donc, juste avant National Parks, c'était Tricot Machine avec l'ours de leur album éponyme. C'était aussi l'ancien numéro 1 francophone. Donc, ça veut dire, Elisabeth, si tu comprends bien qu'on a deux nouveaux numéro 1, peux-tu croire ça? Je crois que je n'ai pas d'autre choix que de le croire, Mathieu. C'est pas mal ça, hein? Oui. C'est même ça marche. Je pense que c'est les règles du jeu. Ouais. Donc oui. Ça, c'est une toune de plastine qu'on a joué tantôt, la règle du jeu, par exemple. Même pas les affaires. Mon Dieu, mais c'est un lien! Ben oui! Wow! C'est incroyable, je commence à comprendre. Oui, tu commences à comprendre. Oui. Tu commences à t'habituer. On dirait presque que t'as fait ça depuis au moins 2h20. Peut-être. T'étais pas là au début, hein? Non. Voilà. Moins que ça, dans le temps. Okay. OK, on est rendu à nos numéro 2, c'est United Steelworkers of Montreal et les prostitutes. Tantôt, on va se permettre d'entendre l'album Bouddha Cinérôle d'Alexandre Champigny. Pourquoi? Parce qu'on a reçu une pièce il y a des années de la formation Trompe-l'œil, qui s'appelait Bouddha Cinérôle. Je trouvais ça super original comme nom. Comment ça se fait que son album à Alexandre Champigny s'appelle comme ça? Est-ce qu'ils ont changé le nom? Est-ce que c'est lui, Trompe-l'œil? J'aimerais avoir une réponse. On va écouter celle-là. Peut-être une tune originale aussi. Là. Peut-être. Il a juste appelé pareil. Faut vérifier. On est curieux. Donc, on va entendre la vraie pièce de Trompe-l'œil. Et ensuite, on va entendre celle-là et on va voir si c'est la même. Si c'est la même, on aura fait gaffe. Peut-être que je pensais celle-là en premier au gazou. Hein. Peut-être plus intelligent. Mais pour l'instant, voici tout de suite dans vos palmarès, c'est fou, les prostitutes avec New Wave Kids au 89.1 FM. Oh! brand new fold. A bi-script name and a wire. Always think at home on a rim and a tire. She fires life falls. Wrench drive, thank God for that rusty old kitchen knife. Jack pulled out, heat in the ditch. Slap me on the wheel, call me son of a bitch. I got dust clouds on the back of my brain. Necks and backs all racked with pain. Fall down banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. Names come out in the press. Who's in the wiser in the wrong guess? I'm a first-hand gun man. What a story told by a friend of Ted Helps and Jim Lobby. Small Town Banks de la formation United Steelworkers of Montreal. C'est en deuxième position anglophone, remontée de 4 places. Elisabeth n'a pas apprécié ça. Non. Pourquoi? Ben, c'est personnel. Oui. Ouais, ben c'est... Western, moi je les aurais expédiés à Saint-Tite. Mais bon, regarde, c'est mon avis. C'est juste pas personnel, on a le droit à nos opinions assez fou. Oui, ok, c'est bon, ben regarde, je vais réexpliquer Saint-Tite, je dis la même chose, je réitère. Et voilà, si on n'aime pas ça, on n'aime pas ça, c'est on le même. On n'aime pas ça, c'est le même. Nous, on doit les passer parce que c'est des palmarès. Non, moi, mais c'est moi j'aime bien cette pièce-là, par contre. Je trouve que c'est bon, moi, j'aime ça. Tu as le droit à ton opinion aussi, Mathieu, puisqu'on est assez fou. En fait, en ce moment, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas dans le palmarès. Je pourrais dire, si on doit absolument être honnête, dire oui. Les pièces qu'on n'aime pas, j'aime pas celle d'Ok Volca, mais pas du tout. Je pourrais dire que Percy Farm m'intéresse pas tant que ça. Et puis, ça fait à peu près le tour de ce que j'aime pas. Mais autre que ça, je trouve que les palmarès, depuis peut-être 2 ans, ça fait 2 ans que j'anime les palmarès régulièrement, ouais. Donc je suis peut-être biaisé. Là. Okay. Mais j'adore pas mal toutes les pièces qui jouent dans le palmarès. Donc, t'es un gars ouvert musicalement parlant. Ah oui, oui, vraiment. J'aime beaucoup les choses différentes, nouvelles. Musicalement parlant, t'as dit, c'est bien ben de oui. Le rajouter, mais t'aurais pu l'appliquer à pas mal n'importe quoi. numéro 2, on a joué les prostitutes avec New Wave Kids tantôt avec la deuxième position. C'est une remontée de 2 places. Comparé à United Steelworkers qui remonte de 4. On est rendu déjà à nos numéros 1. Wow! Mais si vous regardez les choses un petit peu, là, hein, on est pas mal 26 minutes passé l'heure en cours et il nous reste 2 pièces. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Mathieu? Qu'on remplit! Ah! Oh! Yeah! OK! On aime ça remplir, on aime ça, on est des fillers. Yes! Comme des plombages, un peu. Oui. C'est ça. Tantôt, on a parlé d'un artiste qui s'appelle Alexandre Champigny. Son album s'appelle Bouddha Cinérole. On l'a reçu cette semaine à la station. Exact. Et puis, la pièce Bouddha Cinérole de Trompe-l'œil a le même nom. Je trouvais ça Bouddha Cinérole, 3 mots qui vont drôlement ensemble. Ça vient d'où? Est-ce que le gars fait partie de ce groupe-là? Est-ce qu'il fait partie de Trompe-l'œil? On va jouer pour commencer la pièce de Alexandre Champigny. C'est une recherche. Hein? Et tantôt, si c'est pas la même, on va aller entendre la vraie des Trompe-l'œil. C'est la même. Ben voyons. Il faut s'informer, mais qui est-ce Alexandre Champigny? A-t-il changé de nom? Voici une vieille pièce de Trompe-l'œil refaite. Wow! C'est pas marrant, c'est fou, je trippe. Malade. C'est génial. Le jour s'est levé, je visualisais le scénario. Que j'ai fait, si tu arrêtes de rire, tu vas te dire, moi aussi. Plusieurs personnes voient des coïncidences, certains se disent qu'on peut faire sa chance. Le jour reviendra. Fois semblable et admirable comme un Bouddha. Palmarès c'est fou, reviennent dans deux minutes. C'est fou 89.1. J'ai dit c'est fou. Hein. C'est fou. C'est fou. Et on se gâte avec une deuxième pièce d'Alexandre Champigny qui elle aussi vient des trompe-l'œil. Incroyable. Hey, c'est le fun, j'aime ça au bout. C'est Reste à l'envers et vous la reconnaîtrez parce qu'elle joue souvent à C'est fou. C'est les Palmarès, c'est fou au 89.1 FM, votre radio campus. Où ça? À Trois-Rivières. Un autre soleil passe devant tes lourdes brumes. Derrière la fenêtre, je m'évade. Je pense à un rêve où nous allions chercher le bord du monde, le dernier rivage. L'aurore se lève, nous partons sans attendre. Les modes passent. Reste à l'envers, une pièce de Alexandre Champigny et c'est trompe-l'œil, si on pourrait dire. C'est incroyable, encore une fois. C'est absolument fantastique. Alexandre Champigny qui faisait la voix, guitare, bass, orgue, moog et synthétiseur avec la formation Les Trompe-l'œil de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il jouait dans ce groupe-là avec Paul Senné, Julien Fortin, Éric Paquette, Valérie Bouchard, Joël Archambault et Simon Kingsbury. J'ai pas vraiment trouvé d'informations sur lui en tant que tel pour l'instant. Je vais attendre à la chance du coureur quand on recevra l'album. On en parlera plus en détail. Mais on s'imagine que les autres membres du groupe sont peut-être partis ou quelque chose du genre. En fait, je pourrais lire dans le petit livret, ça va être encore mieux. Mais là, ça sera pour une autre fois, hein? En effet, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce que j'ai entendu. Ça va être quelque chose à surveiller pendant les prochaines semaines, mais c'est un petit avant-goût juste pour vous dans vos palmarès. C'est fou! On est encore en train de repousser nos numéros 1 jusqu'à plus tard. On est bon, je trouve quand même qu'on fait un bel effort. À date, ça va très bien. Ouais. Et puis, Elisabeth me parlait qu'elle aime beaucoup la formation Venus 3. Oui. Ben, des huit formations, je crois. Oui, ils sont dans un nouveau projet, tu me disais. Oui, ben c'est ça. On est allé voir visiter le MySpace, Killing Venus. Mm-hmm. Donc, ils ont l'air à tenir plus dans... à faire plus dans l'anglophone maintenant, mais... La voix reste la même, les membres... Les membres, je sais pas si les autres sont... Pas, ouais, on n'est pas sûr à 100%, là, mais en tout cas, pour ce qui est de la chanteuse principale, c'est toujours Vicky Martel, puis... Vous voyez que ce soir, on est rempli d'informations pertinentes et réelles. On est là pour vous informer. C'est comme TVA, là. C'est vrai, voilà. Là. C'est de l'information pure. Oui, mais Mathieu, à quoi t'attendre de moi quand t'es avec... Quelqu'un d'un journal. C'est ça, oui. Ben oui. Et quelqu'un comme moi qui souvent parle à travers ses cheveux. Oui, mais tu fais bien ça, tes cheveux le supportent plutôt bien, je trouve. Mais merci beaucoup. Ouais, on va entendre une pièce de Venus 3 que tu as choisie toi-même. Ben oui. C'est quoi, non? Ah, oh, ça me fait plaisir de te présenter Enfoiré de première. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ne me parle jamais comme ça. Oh! Mais non, t'inquiète. Une espèce de pit, de conne, de coque. Ah, boule de poil. Oh, Hey, c'était bon, hein? Oui! C'était Vénus 3. Bon souvenir, oui, Vénus 3. On pourrait être première. Ouais, ça fait tout le temps du bien, une tune comme ça. Petit succès flashback. Ouais, flashback, malheureusement, pour le groupe. Là, moi, ouais. J'aimais bien, ouais. Mais si vous les aimiez, renseignez-vous sur Killing Venus au myspace.com/KillingVenus. Oui. Pourquoi non pas? Encore une fois, on repousse au numéro 1 qu'on va entendre tantôt. Je vous fais. J'aime ça agacer les gens, vous savez. Ah, on sait, t'es agacé un petit peu, Mathieu. Je te vous vois encore. Hein. Vous voyez. C'est terrible, vous voyez. On va. En tout cas, moi, je pense que d'ici la fin de l'émission, oui. Toi et moi, oui. On devrait être quand même pas mal amis. Mais au Québec. OK. Qu'est-ce que t'entends faire là, Mathieu? Tu verras. Ah. Ouais, mais je dirais que ma tête n'est pas remplie de plomb. Hein? Okay. Un autre indice, OK. On pourrait dire aussi... Je suis lente, mais je comprends pas du tout. Mais vas-y, continue. Normal, c'est normal, oui. C'est mes manœuvres. C'est comme ça que je manœuvre. On manipulateur, appeler ça. C'est ça? Un peu, c'est un peu la Matthew Maneuver, on pourrait appeler. Ah, c'est nouveau. C'est ça, c'est nouveau. Oui, oui. C'est ça, c'est... J'aime. C'est le fun, t'es poli avec moi. T'es presque interpoli avec moi. Interpoli, non? OK. On va aller écouter une autre pièce à la place. Voici Run With The Kittens et Live Forever, un autre classique des Palmarès de C'est Fou au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Bien sûr. Forever, The Run With The Kittens, un vieux classique des palmarès de C'est Fou au 89.1 FM. Maintenant, on décide de faire un petit peu différent, passer du rap. My God. On fait rarement ça. Oui, rarement. C'est une première. Non? Ben, je sais pas si... Non, je pense pas. Je pense que... Non. Non, mais... Toi pis moi ce soir, une première. Ça, c'est une première. Ouais, mettons, on s'en prend. Donc, comme j'ai dit, tu sais, ami, plomb, tout le reste des blagues que j'ai faites tantôt, ça, tu vas voir, ça va avoir du sens dans même pas une dizaine de minutes. Mais avant, présente-nous la pièce de Quetzal, Elisabeth, s'il te plaît. Ah oui, la pièce de Quetzal, donc Permis de tuer, issu du nouvel album de Quetzal, Trésor National. Quetzal, un homme... Un homme d'ici. Viril. Mais d'ici, surtout. Oui, d'ici, très, très local. Très local, mais... C'est ça, Quetzal. Il est pas local, il est Taka, je pense. Taka! T'as pas un petit, non? Dans mon hip-hop et c'est celui de ma vie. Un peu de maillot dans mes globules qui se mêlent aux gens d'ici. Tu connais rien de mon existence ou de comment je vis. Sauf toi tu jases quand tu jases encore de comment je suis. Hell yeah, j'ai mon backpack, genre ta fac, un diplômé universitaire. Du rap, ça claque, j'ai le vocabulaire qui manque pour qu'on remplisse les bacs. Et j'ai assez de PQ, content pour effacer mes tracks. J'suis un Quetzal depuis 9, 8, presque 10. En fait, c'est peut-être depuis que ma mère m'a désiré comme fils. J'ai pas choisi mes qualités ni désiré tel fils. Mais j'vis avec et j'm'arrange pour que personne subisse les conséquences de mes erreurs, mais juste les bonnes actions. J'ai fait les choix qu'il fallait pour me rendre au top garçon. J'suis pas contaminé encore, j'garde ce clean le son. Va te monter direct au cerveau comme pour une transfusion. Qu'on en profite, on veut le profit, mais sans Dieu nous montre l'exit. Ici l'ami on court, on souffle, on se bourre, on souffle. Comment t'as pu t'imaginer qu'un jour ou l'autre on coupe? On peut stopper un révolutionnaire, mais jamais la révolte. Si ça pète, man, c'est que les doses semer la récolte. J'suis pas athée ni catholique, c'est ma parole que j'apporte. Peux être sûr que c'est pas moi qui viens sonner à ta porte. J'suis pas là pour te convertir, mais partager les idées. Pourquoi j'essaierais de mentir? Moi j'suis déjà décidé, j'suis pas député. Si on m'apprend que la fraude vient du député, la faute vient du décideur. Ça c'est décidé, j'suis un fils de guerriero. C'est pour ça que j'haïs l'armée. Et qu'on les aime ou pas, ils en sont pas vraiment à l'armée. C'est ça la vie, man, c'est le cash qui mène le monde. Et ça avait l'air que c'est payant de fabriquer de la bombe. Quetzal, au Palmarès c'est fou avec la pièce Transfusion. C'est bien ça? Oui, c'est bien Transfusion, ça. Transfusion, c'est bien le nom de la pièce qu'on a jouée. Transfusion de Quetzal. Quetzal. C'est clair? C'est clair, je crois que c'est clair. Oui. Voilà, ben on est rendu au moment qu'on attend depuis au moins une bonne demi-heure. J'en salive depuis une demi-heure. Ben, je vois ça, essuie-toi un peu, c'est pas très chic. Hein. Ah ouais. On avait dit qu'on en parlait pas là, là. Ah, c'est vrai. Okay. Voici notre numéro 1 anglophone. Soyons tous excités pour Interpol et demandons-leur comment vont les choses sur la côte ouest. How are things on the west coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Now strap those shoes, we'll go roaming in the night. But how are things on the west coast? You keep it moving to your soul's delight. Now I've tried the brakes. I've tried, but you know it's a lonely ride. How are things on the west coast? Oh, I'd move heaven. Today my Interpol et The Irish Mover, le numéro 1 anglophone remonté de 3 places, 5e semaine de présence. Leur album, c'est Our Love to Admire. Il nous reste seulement un numéro 1 francophone qu'on ira entendre dans quelques instants. Mais avant, je dois vous dire que Kiwan n'est pas là à l'émission. Il est dans la porte à gauche ce soir à 20h les vendredis. C'est le tour direct, donc il sera de retour la semaine prochaine. Mais on va quand même avoir une édition spéciale Best of Classic Flashback dans la voûte. Ça va être malade. C'est juste l'émission de la semaine passée qu'on repasse. Mais il n'est pas avec nous pour en parler, c'est tout ce que ça veut dire. Moi, je les absents toujours tard. Les absents toujours tard. Oui. Il brille par sa présence. Oui. Mais toi, non, par son absence, toi, tu brilles par ta présence. C'est ça que je voulais dire. OK, d'accord. Parce que tu es là, tu es radiante, tu es toute, je sais pas, toute rousse, on pourrait dire. Tiens donc. Tiens donc. Ça l'aide peut-être, on sait pas. Mais merci beaucoup d'avoir été à l'émission d'aujourd'hui. Hey, ça me fait plaisir, Mathieu. J'ai bien aimé ta présence. J'espère te revoir dans les prochaines semaines. On y pense, mais c'est probablement positif. On verra. C'est ça. Pas obligé de juste venir aux deux semaines non plus. Si tu... On verra. On verra. C'est une surprise. Mais merci d'avoir été là. Et merci à vous à la maison d'avoir été là aussi. Moi, je vous retrouve à la Connexion, l'émission de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Nouveau jour, nouvelle heure. Maintenant, c'est les lundis de 11h à 13h. Hein? La chance au pouvoir aussi, les vendredis matin, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous en direct à 10h et en rediffusion pour l'instant les samedis à 14h. Soyez là pour cette semaine au moins. Évidemment, les Pamarès et Fous sont en direct les vendredis soirs de 17h à 20h et en rediffusion les mercredis de midi à 15h. Oui! C'est dur à boire, disons, on pourrait dire. C'est dur à boire comme information. C'est de faire matcher la respiration et la parole. Et voilà, il faut savoir où les mettre. Oui, impressionnant. C'est pas toujours mon cas. Donc, je vous retrouve là et puis je vous retrouve la semaine prochaine au Palmarès et Fou, l'émission de la musique de demain. Aujourd'hui, allez voir le unechance.com pour les liens de l'émission et le podcast, la balado-diffusion. On se quitte avec le numéro 1 francophone. C'est les amis au Pakistan avec mon soldat de plomb. Merci encore une fois, Elisabeth Marino. Merci, Mathieu. Merci à toute l'équipe fictive. Merci à vous d'avoir écouté. Je m'appelle Mathieu Plante. Je suis en train de vous dire au revoir. Au revoir.